Thank you. Botei o copo. Forte na guitarra, não? Thank you. Bon, je vérifie ma guitare. Je suis à 12 là. Ouais. Ah d'accord. Je vais monter la voix. Sans rayon. Thank you. Thank you.